Cours numéro 5. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-'Allama al-Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala fanzuru rahimakumullah. Madha tujibun an hadha as-su'al? Ay, on avait vu dans le cours précédent أن الشيخ سعدي رحمه الله قال فلا بد أن تسألوا عن أولادكم وعما عملتم معهم. Cette question, الشيخ سعدي يقول ماذا تجيبون عن هذا السؤال. فانظروا رحمكم الله ماذا تجيبون عن هذا السؤال. المؤمن si il se pose toujours ce genre de question, il avancera dans son dîn. Qu'est-ce que j'ai préparé pour l'akhirah? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes enfants? Est-ce que je les ai éduqués? Est-ce que j'ai fait as-sabab pour les écarter du shirk? Est-ce que j'ai fait les causes pour leur apprendre din? Avec toi-même, avec ton épouse, avec ta famille, par rapport à ton ilm. Su'al muhim, j'ai appris certaines choses. Est-ce que je les ai appliquées? Pose-toi les questions avant qu'on te les pose. Ça c'est nafi'un jiddan. Li'anna viendra un jour où on sera tous interrogés. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. Vous serez interrogé. مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدْ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Chacun de vous, Allah subhanahu wa ta'ala lui parlera. من المهم, c'est de se poser ce genre de questions avant. حتى, si tu te poses la question et tu ressens, tu t'aperçois que tu as des faiblesses, tu fais tout pour te corriger l'un. لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, tu peux plus te corriger. Yom Qiyama, c'est Dar al-Hisab, Dar al-Jaza. C'est le jour des comptes. L'amal, c'est fini. As-Suhuf, al-Malaika, toutes tes œuvres, elles ont écrites. C'est fini, had. Ça sera le jour des comptes, Hisab. Amma l'an, nahnu, fil-haqiqa, c'est une ni'ma. Lakin akhtar al-Nas, la ya'alamoun. Tant que t'es vivant, tant que t'es fauqa adil ard, tu peux te remettre en question. Tu peux te corriger. Falihada, Allah subhanahu wa ta'ala, yaqbal tawbat at-ta'ib. Celui qui fait tawbah, Allah il accepte. Tant qu'il est vivant. Et bien sûr, tant que bab tawbah il est encore ouvert. Hada c'est muhim. Fa nahnu al-an, est-ce que par rapport à nos enfants, on a fait tout ce qu'il fallait? Chacun il se pose cette question et chacun il se corrige. Fanzuru rahimakumullah, madha tujibun an hada as-su'al? Hal taqulun ya rabbana hafidna fihim al-amana wa badalna ma nastati' nahwahum min al-inaya was-siyana? فربيناهم بالعلوم الدينية ولاحظناهم بالآداب المرضية وحفظناهم من كل ما يعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم. Est-ce que, comme قال الشيخ سعدي, on a fait les efforts qu'il fallait, on les a éduqués, une éducation à la tawhid, à la sunna, à la sharia, on a fait les efforts, on les a écartés de tout ce qui peut leur faire du mal, surtout du mal dans leur din, كذلك qui leur fait du mal à leur corps. Est-ce que on a fait tout ça? Celui qui a fait tout ça, فليبشر. قال الشيخ سعدي فإن كان هذا صدقا فأبشر بالرحمة والرضوان. أبشر بالرحمة والرضوان. أن الله سبحانه وتعالى يبغضنغا هؤلاء. أي كذلك إلا غضنغا son agrément سبحانه وتعالى. بالثواب العاجل والآجل. الله les récompensera في الدنيا et كذلك في الآخرة بإذن الله. ولكم الهناء والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالحين الأذكياء البارين الذين ينفعوكم في أمور الدين والدنيا. Ce parent ou ses parents, ils profiteront de ses enfants. صالح في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا, cet enfant, il sera utile jiddan pour ses parents. Un bon comportement, il leur rend des services, il leur obéit في طاعة الله, il prend soin d'eux, il a de la rahma pour eux. S'ils se trompent, il leur pardonne. S'ils ont un manquement, ils les conseillent. S'ils ont des manques fi dunya, ils les aident. كذلك في الآخرة. أي بعد موت هؤلاء الآباء. Même si ses parents ils meurent et cet enfant il est encore vivant, il sera نافع pour eux. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه أن أعمال بني آدم تنقطع إلا في ثلاث. Les œuvres de l'être humain, elles s'arrêtent sauf dans trois cas. Et parmi ces cas, ولد صالح يدعو له. Cet effort que tu as fait avec ton enfant, tu l'as éduqué à la sunna, tu as tout fait pour qu'il apprenne le Coran, pour qu'il étudie هذا العلم الشرعي, tu lui as appris les bons comportements, tu lui as appris à avoir du respect, etc. Tout ça conformément à notre din, كذلك tu l'as mis en garde contre l'afkar al-haddana, que ce soit le kuffar ou ahli al-ahwa. Tout ça, inshallah, si tu meurs, cet enfant, ça sera un homme pieux ou une femme pieuse, et ils te feront des du'as. Et ces du'as, ça te sera utile. Et t'es dans ta tombe. Et yawm al-qiyam. Hada, c'est important. Comme on disait dans le dors précédent, cet enfant, t'as fait des efforts pour dunya, et t'as pas fait d'efforts pour son din. Oropama, ça va devenir un docteur, ou un chirurgien, ou autre. Tu meurs, pas un du'a. Si c'est pas un salih, si c'est pas un mu'min, tu profiteras pas. Fit dunya, kadhalik, il peut te faire du mal. Il a aussi un mauvais comportement. Farubama, il rabaisse ses propres parents. Hatta son argent. Certains enfants, ils ont été éduqués par leurs parents. Thumma, ils ont un niveau beaucoup plus élevé que leurs parents. Et un niveau argent. Et Farubama, il n'aide pas ses parents. Ba'd al-kuffar, dès que leurs parents vieillissent, la maison de retraite. Hada ali al-fa'ida. Amma nahnu la. Nous, on n'est pas à l'abri. Pourquoi les kuffars, leur cœur, il a durci, hakada. Hatta leurs parents, ils en prennent plus soin. Au lieu de s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils meurent, ils les placent en maison de retraite. L'imada, les anna, ils n'ont pas d'iman, ils n'ont pas de rahma. Hakada le kafir. Si nos enfants, ils sont éduqués par haoula qui n'ont pas de rahma, eux aussi, ils n'auront pas de rahma. Donc, si tu veux profiter de tes enfants, dunya ou akhira, fais des efforts, fais din. Amma dunya fala takhaf. الرزق لي على الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. C'est Allah سبحانه وتعالى qui رزق. Fais des efforts dans les choses utiles. Et nous, on ne dit pas que faire des efforts في الدنيا c'est inutile. Là, lakin sans exagérer et sans tomber dans le haram. قال الشيخ سعدي. Donc ça c'est la première catégorie. Ils ont écouté النصيحة. Ils ont appliqué الكتاب والسنة. Ils ont fait des efforts. Ha'oula, incha'Allah, ils seront heureux fi dunya wal akhira. Et si leurs enfants meurent à la tawhid, ils seront tous rassemblés fi jannat al khuld. Deuxième cas, wa in kana al jawab bi'aks hadha al jawab, fa bushrakum bil khayba wal khusran. Si c'est le contraire, qu'est-ce qu'on a fait pour nos enfants? Et wahad, il ne peut pas répondre. Ou il n'y a que du char, il n'y a pas de khayb. Qala, fa bushrakum bil khayba wal khusran. Aïe. Al-khusran, c'est la perte. Al-khayba, c'est être humilié. وَيَا وَيْحَكُمْ مِنَ الْحَسْرَ وَالنَّدَمْ كَذَلِكَ les regrets. هَذِي الدُّنْيَا, elle passe vite. Combien de générations avant nous, elles sont parties? Qu'est-ce qu'ils ont laissé là? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? إِلَّا s'ils ont fait des a'mal saliha et ils sont morts à la tawhid wa sunnah, ça leur sera utile. أَمَّا les biens qu'ils ont laissés, ils ont été partagés. تَعْلَمُونَ هَذَا. Ils font des efforts. Que fait dunya? Ils travaillent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il ne fait aucun effort dans son din. Il meurt, la première chose qu'ils font, sa descendance, ses enfants, ils partagent son argent. Première chose. Qu'est-ce que dunya? Et lui, tel qu'al hufra, il se retrouve seul. Et il est interrogé. Est-ce que tous ces efforts qu'il a fait, ça va lui être utile? C'est d'aucune utilité. Belle, comme a dit le shir, al-hasra wa al-nadam, les regrets. Il aurait fait des choses pour l'akhira, il les aurait retrouvées fi qabri. Falihada al-mu'min, quand il se retrouve dans sa tombe et il est seul, comme a dit le hadith al-bara, il sera accompagné par une personne qui a un très beau visage, une bonne odeur. On avait expliqué le hadith. Kathiran. Et quand il demandera, man ant, il lui dira, a'maluk, je suis tes œuvres. Hatta fi al-qabri profite. Wa hakada celui qui n'a pas fait d'œuvre, bil aks. Une personne qui a un mauvais visage, une mauvaise odeur, et elle accompagnera fi qabri. Man ant, je suis tes œuvres. Donc ce qui reste avec toi, c'est l'amal, c'est pas l'argent. L'argent, c'est ni'ma, celui qui sait s'en servir, et il laisse cet argent dans ses poches, pas dans son cœur. Ni'ma, al-mal al-salih, bil-rajul al-salih, qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou comme a qu'a. C'est ni'ma, celui qui a de l'argent, et cet argent, il l'utilise fi dinillahi azza wa jal. Amma, ça devient le seul but. Et l'insan, il pense qu'à ça. Et cet argent, il lui fait oublier son din. C'est une fitna. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les kulli umma fitna, wa fitnatu ummati al-mal. Chaque umma a une fitna, et la fitna de ma umma, et la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mal, c'est l'argent. Donc ton enfant, hatta l'argent dunya, tu dois lui apprendre comment se comporter avec cette dunya. Que c'est qu'un moyen, faqat. On ne doit pas apprendre à nos enfants que s'il ne travaille pas, il va mourir de faim. S'il ne fait pas telle chose, il va mourir de faim. On doit lui apprendre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Et bien sûr, il faut faire les causes. travailler halal, ne pas mendier, s'écarter du haram. Lakin, ne pas lui montrer que tu fais pas telle chose, khalas. Son cœur, il va être accroché avec l'asbab. Et il va oublier Allah Azza wa Jal. Qala, wa in kana al-jawab bi'aksa hadha al-jawab fa bushraakum bil-khayba wal-khusran. Wa ya wayhakum min al-hasra wal-nadam. Qad fatakum al-matlub. وحصل لكم كل شر ومرهوب قد فاتكم المطلوب. أي l'essentiel ils n'ont pas réussi à l'obtenir. فاتكم المطلوب, l'essentiel, الدين والعلم, tout ce qui va être essentiel pour l'akhira, c'est passé, ils n'ont pas réussi à l'avoir, ils n'ont pas fait les efforts pour l'avoir. نحن, on ne doit pas faire partie de هؤلاء في الدنيا. Et ça nous est tous arrivé, أظن أن certaines choses, si elles te passent sous le nez, tu n'as pas fait l'effort, tu ressens des regrets. Et en fait, le mu'min doit dire qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Et on patiente. Mais ça arrive. Une chose t'aurais pu faire, tu l'as pas faite, et quelque chose te passe sous le nez. Min al-mal at-tayyib al-halal ou autre. Mais en fait, fi ad-dunya, tu refais des efforts et tu peux gagner autant que ce qui t'est passé sous le nez. Amma fi al-akhirah la. Ce que tu n'as pas eu fait de dunya, fait l'akhira, c'est trop tard. L'akhira, c'est dar al-jaza, c'est que pour récolter. Tu ne peux plus faire. Qala, qad khasirtum dunyakum wa ukhrakum wa fatakum rujdakum wa tawfiqakum wa hudakum fa ya hasrat al-mufritin wa ya fadihat al-mujrimin. Sahih, hasra wa khasara. Amma si, wahad iyadan billahi, il aime les kuffars et il veut que ses enfants ça devienne des kuffars comme des kuffars et il déteste les musulmans, il a perdu son din complètement. Il y en a s'il déteste l'islam et il aime le kuffar et les kuffars, c'est pas un mu'min. Lakin la plupart c'est des mu'minin, lakin ils ont une faiblesse dans l'iman. Et cette faiblesse, elle peut les emmener à leur perte. Il ne faut pas comprendre min kalam ahli al-ilm, celui qui met ses enfants à l'école, c'est un kafir. Celui qui met ses enfants à l'école des kuffars, c'est un kafir. Là, lakin, les mettre à l'école, ça montre que le cœur est malade. Et cette maladie, elle peut ronger cette personne, hatta elle le tue. Elle tue son islam. C'est important. Ne pas croire qu'il n'y a aucune conséquence. Et vous voyez l'an, la parole de Cheikh Saadi, elle est dure dans la haqiqa. Pourquoi, rahimahullah? Il a de la pitié pour ses musulmans. Et il cite ce genre de paroles pour les réveiller. قال وفاتكم رشدكم وتوفيقكم وهداكم. أين الرشد أين التوفيق أين الهدى. La guider, la hatta la raison, elle n'accepte pas ces choses. Je place mon enfant chez mon ennemi. قال فيا حسرة المفرطين ويا فضيحة المجرمين. Il les a appelés مجرمون عليه رحمة الله. لقد كان لكم في مدارس مملكتكم غنية كبرى عن سفركم إلى المدارس المنحرفة التي لا تعود عليكم إلا بكل شر. مدارس مملكتكم يبعض دو المملكة العربية السعودية. لأن للأسف certains ils sont dans un بلد فيه خير عظيم comme المملكة العربية السعودية. أنه يا pas de mixité, أنهم يدن de l'importance توحيد السنة. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Abatan, la hadja qul bihada. Lakin khayr, il est maujoud. Walillahi alhamd, il est maujoud kathiran hunak. Et tu ne trouveras pas un pays qui préserve et qui propage le khayr autant que al-mamlaka. Hada, c'est wadih. La yunkir hada illa man lam yuwafaq. Amma celui qui reconnaît le khayr, il sait hada. Et celui qui a vu, il sait hada. Fatajid ba'dahum, ils ont délaissé بلد الحرمين ربما il habitait à Mecca, ربما المدينة il habitait dans هذا البلد الطيب. Et son but, il essaie d'aller apprendre عند أعداء الله. فلهذا الشيخ سعدي conseille هؤلاء. ومن نعمة الله على أهل الجزيرة سلامتهم من البدع ولزومهم لمذهب السلف واعتقادهم الصحيح وعافيتهم ولله الحمد من مذهب الماديين الملحدين. C'est pour ça que le kafara la yazaluna yuharibuna ahla hadha al-balad hukaman wa sha'ban. C'est pour ça que les ennemis d'Allah, ils combattent hadha al-balad. Lana hadha al-balad, ils propagent le tawhid. Que ce soit dans leurs écoles, que ce soit les administrations, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'awam, les masajid d'awa, le tawhid, le shirk, c'est interdit. Ils combattent le shirk et ils propagent le sunnah et ils combattent le bid'a. C'est pour ça que al-kuffar yuharibuna. لأنهم c'est pas une démocratie, ils sont pas حول هذا. بل le gouvernement il est fondé sur le kitab wa sunnah wa yutabbiqun al-sharia wa law kariha al-mujrimun. C'est pour ça que الناس يحاربونهم. Avec tout ça, tu trouves certains هذا الخير, ils le délaissent et ils veulent aller chez le kuffar. قال والسعي حكومتهم الحثيث في فتح المدارس المتنوعة الابتدائية والنهائية. Ils ont ouvert كذلك des écoles, que ce soit des écoles élémentaires et de base, à Unihaïa et des écoles supérieures. وعنايتهم في علوم الدين واختيار الأساتذة من خيرة الوطنيين وخيرة الأزهريين. كذلك ils ont fondé ces écoles et ils ont choisi des professeurs compétents min al-mu'minin, que ce soit min ahli al-balad, que ce soit des saoudiens ou autres. أما قوله خيرة الأزهريين لعله الأزهر كي en Égypte. Si c'est هذا لا شك أن cette école الآن فيها ما فيها من الانحراف والضلال. لكن المملكة العربية السعودية كما أخبر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه سيد المفتي على الوقت أنهم ils ont fait confiance à certains professeurs d'Égypte ou autres et ils les ont emmenés d'autres pays et ils leur ont fait confiance et ils les ont laissés enseigner dans des écoles. C'est devenu des professeurs et أنهم ils avaient un niveau que ce soit من الأزهر ou autre et في الحقيقة ils ont appelé à du شر. Et المفتي الشيخ محمد رحمة الله عليه il a reconnu annahum ils les ont laissés et eux ils n'ont pas été reconnaissants, ils ont propagé al-bid'ah, surtout bid'atu al-ikhwan al-muflisin, ta'n fi al-hukam et ta'n fi ahli sunnah. C'est pour ça que tu trouves l'an hadha al-madhhab al-khabith, il est répondu hunak. Pourquoi? Les anna ces professeurs ils ont appelé à leur madhhab. Ta'ammal, un professeur pourtant c'est un musulman là qu'il appelle al-bid'ah, il fait du mal hatta fi bilad al-haramain. Tu trouves l'un dans certains jami'at, même jami'at islamia, et tu trouves بعض الأساتذة, ils sont à la madhab Sayyid Qutb, al-Takfiri, al-Ikhwan. Ça, c'est, si tu fermes les yeux, al-Bida, ils ne te pardonnent pas. Ils n'ont pas de rahma. Al-An, un enfant, c'est pas un professeur, c'est tout le système, le pays, c'est des kafars. Et un enfant mesquin, il ne connaît pas. On n'a même plus besoin de citer les conséquences, c'est واضح. Qala, وحرصهم على تعليمهم وهم في بلادهم وبين أهلهم حرصا على مصالحهم وصونا لعقائدهم عن الدخول والالتحاق بالمدارس الأجنبية التي ضررها كبير على الدين والعقائد والشعب والبلاد. توسع الحكومة جزاها الله خيرا. Ils ont fait des efforts pour pas que leurs enfants ils apprennent عند أهداء الله. Il y a eu du خير عظيم. C'est pour ça que ce pays, la Mamlaka Arabie Saoudia, il a l'an, il y a du khayr. Il a été éduqué à la hada. Tu le vois, quand tu parles avec eux, ils ne sont pas comme dans certains pays, hawl al-khurafat, ou al-shirk, ou al-bida'a. Ils ont un minimum. C'est l'éducation, c'est muhim. Qala, wa badluhum al-amwal al-ta'ila, fi sabil hada al-ta'lim, wa tanshit al-mu'allimin, wa al-muta'allimin, bi kulli wasila. Alaysa hada min akbar ni'amillahi alaykum. C'est une ni'ma azima pour ahli dhalika al-balad. وأياديه الجزيلة الواصلة إليكم فاحمدوا الله على هذه النعم وأقبلوا عليها بجد واجتهاد فإن فيها أكبر غنية عن مدارس الماديين أهل الإلحاد. المؤمن doit être reconnaissant. نحن كذلك on peut faire الهجرة et certains de nos frères ولله الحمد ils ont fait الهجرة, ils sont dans بلاد المسلمين et بلاد المسلمين فيها خير. Même s'il y a des mukhalafat à l'école, etc., tu les envoies pas à l'école. Wallahi alhamd, c'est pas obligatoire. Et tu les éduques. S'il y a des personnes compétentes, tu connais, frères ou sœurs, ils peuvent leur apprendre à lire, à écrire. Shay min al-Qur'an, min al-Hadith. Alhamdulillah. Ton enfant kadalik, s'il grandit, tu peux le former à certains métiers. Avec des muslimines, il apprend certains trucs. Hatta yatlub al-rizq al-halal. Alhamdulillah, ni'ma. Ça veut pas dire que si on peut pas aller en Arabie Saoudite et profiter de leur système qu'ils ont mis en place, que ce soit dans l'éducation, etc., qu'on reste chez les kuffars. Là, ma la yudrak dulluhu la yutrak kullu. Si on ne peut pas avoir une chose, on ne délaisse pas le reste totalement. Là, alhamdulillah, si tu es dans un pays musulman et tu fais des efforts et tu ne peux pas plus, fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne t'impose pas au-dessus de ta capacité. Amma reste عند الكفار et placé chez enfants عند الكفار, هذا c'est خطير. قال والحكومة ولله الحمد لا تزال تحث المعلمين على العناية التامة في علوم الدين وأخلاقه وتلاحظهم في ذلك وتضم إلى علوم الدين جميع العلوم التي تعين عليه لبعض المملكة العربية السعودية أنهم يزنكوراج لبروفيسور أفير دي زيفور à conseiller leurs élèves par rapport au dîn, par rapport au comportement. Kadhalik, ils ont fait des efforts pour leur apprendre des choses de dunya, des choses qui leur seront bénéfiques. Et ça, on répète, c'est mashrou', tant que ça ne contredit pas notre dîn. Par exemple, la langue arabe, c'est muhim. La langue arabe, c'est une langue, elle t'aidera dans ton dîn et fit dunya. وكذلك علوم الكون التي يطلق عليها الكثير من الناس علوم العصرية التي يتوصلون بها إلى المنافع والمصالح الكثيرة وتقتصر منها على كل ما فيه نفع نفع للناس في دينهم ودنياهم. نعم, ça montre que c'est pas tous les علوم qui sont profitables. Il y a des choses, si ils sont pas, si ces choses elles sont pas limitées, ça fera du mal. وكذلك تضم إليها المدارس الحربية, مدارس الدفاع التي القصد منها حفظ البلاد وعز الدين والدنيا وبها قياد وبها قيام الجهاد وكل هذه المدارس لا تزال تترقى في كل وقت من كمال إلى أكمل وقد ظهر من نتائجها وثمراتها ما شاهده ما شاهده الناس. نعم. Il a cité à la fin tout ce qui est lié à la défense, comment se défendre, tout ce qui est lié à l'armée, au militaire. هذا c'est مهم. Pour ce bilad et pour tous les bilad muslimin, il a de la connaissance fi hada. Lianna balad ou bilad al-muslimin mustahdafa. Al-kuffar, ils veulent faire du mal. Lihada, ces muslims, s'ils ont des capacités dans ce domaine, inshallah, ça leur sera utile. Et la première chose dont on doit tous faire des efforts, c'est al-mu'taqad al-sahih. Ça passe avant le côté militaire. لأن العقيدة ينفع إذا عظيمة سواء في هذا المجال أو في غيره لكن بعد ليس لأسباب كذلك. قال والحكومة لا تزال ملحة في إدخال جميع التحسينات إليها وأولتها كل اهتمام فنسأل الله العظيم أن يوفق الجميع حكومة وشعبا للتعاون على البر والتقوى وأن يجمع القلوب على الخير والإقبال على كل مصلحة على كل مصلحة وصلاح إنه جواد كريم. فنصيحة طيبة للعلامة الشيخ سعدي رحمة الله عليه. إن شاء الله نسيغه de terminer cette رسالة le prochain cours. نعم, il reste قليل. حياكم الله, نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.